Chapitre 20e. Eh bien, Mary, j'imagine que vous vous applaudissez de la réussite de votre plan. C'était ainsi que 10 jours environ après la mémorable promenade sur la route de Bristol, Mrs. Peters parlait à sa fille. Pendant cet espace de temps, en effet, il était survenu bien des choses qui semblaient devoir mener leur désir à bonne fin. Par le fait, Frédéric Stephenson était tout doucement devenu un des habitués de Rodney Place, et à mesure que le nombre et le charme des tête-à-tête du major avaient augmenté, la veuve ayant de plus en plus laissé à Agnès la liberté de jouir des constantes invitations de ses amis, l'heureux Frédéric avait pu la voir presque chaque jour. L'allusion au major, qu'il avait faite à titre d'ami, n'avait produit aucun effet, si ce n'est pourtant d'avoir beaucoup avancé ses relations d'amitié avec la famille Peters. Il s'était décidé à dispenser Agnès d'en parler à sa tante, et s'en était ouvert à Mrs. Peters, qui avait déclaré trouver sa belle-sœur bien trop désagréable pour se mêler de la guider. « Pour Mademoiselle Willoughby, alors ?» dit Frédéric. « C'est uniquement pour l'amour d'elle qu'on voudrait tâcher d'empêcher cette odieuse femme de se perdre et de se ruiner. »« Eh bien, pour l'amour d'elle, j'essaierai, » répondit Mrs. Peters. « Elle mérite qu'on fasse un effort. » Par cette réponse, Mrs. Peters convainquit M. Stephenson qu'elle était la femme la plus aimable et la plus sensée du monde. Mais la détermination, digne de louange, de la chère Marguerite, n'eut pas le moindre succès. Saisissant la première occasion, elle dit à sa belle-sœur « Dites-moi, je vous prie, Mrs. Barnaby, savez-vous quelque chose de la vie privée de ce Major Allen ?» Voici ce qu'on lui répondit. « Oui, Mrs. Peters, j'en sais très long. Et je puis dire beaucoup plus long que qui que ce soit à Clifton. Je sais qu'il existe des agents loués, des agents employés et payés, pour faire circuler sur lui les bruits les plus atroces. » « Je n'en suis pas un, assurément, madame, » avait répliqué Mrs. Peters, quittant brusquement la place et se jurant bien de ne jamais plus aborder ce sujet. Résolution commode qui calmait sa conscience lorsqu'elle songeait à l'évidente admiration de M. Stephenson pour Agnès. Car chaque jour, cette admiration devenait de moins en moins équivoque. C'était donc quelques heures après ce court colloque que Mrs. Peters adressait à sa fille le compliment que nous avons mentionné plus haut. « Eh bien, Marie, j'imagine que vous applaudissez de la réussite de votre plan. » « Mais oui, maman, » répondit Marie. « Il me semble que tout marche assez bien. Et si je ne me trompe, ce sera uniquement la faute d'Agnès, si elle reste longtemps encore sous la protection de notre gracieuse tante Barnaby. » Il était bien certain que les combinaisons de Mrs. Peters et de Marie étaient excellentes. Quant à leur résultat, c'était une autre affaire. M. Stephenson était bien réellement passionnément épris d'Agnès, et parfaitement décidé à lui faire sa demande aussitôt qu'il le jugerait décemment possible, c'est-à-dire après 15 jours environ d'intimité. Et il avait décidé que la soirée de musique promise par Mrs. Peters lui fournirait l'occasion favorable de déclarer sa passion, sachant déjà que rien n'est plus propice à un tête-à-tête que la foule d'une salle de concert. Donc les choses étaient arrivées à un degré parfaitement suffisant pour donner pleine et entière raison aux vigilantes amies d'Agnès. Mais, hélas, elle ne voyait que les dehors, et sous ces dehors, il existait un autre courant, se mouvant dans un tout autre sens, auquel elle n'aurait jamais songé, même en rêve, et dont elle n'aurait jamais compris la puissance, quand même elle l'eût vu de leurs propres yeux. Eh bien oui, le cœur d'Agnès était donné irrévocablement à un autre qu'au jeune Stephenson, et l'on ne peut s'étonner qu'une semblable idée ne fût jamais venue à ses amis. Qui pouvait être cet autre? Serait-ce James? James, son premier danseur, pour ainsi dire le premier homme avec lequel elle eût échangé une parole? Assurément non, car elle n'aurait seulement pas pu dire si ses yeux étaient noirs ou bleus. Qui donc cela pouvait-il être? Il n'y avait plus qu'une autre personne qui se fût jointe à leur société pendant cette quinzaine, et Mrs. Peters, aussi bien que Marie, eussent autant aimé croire que la jeune Agnès était prise d'amour pour le pape que de s'imaginer qu'elle était tombée amoureuse du beau colonel, si fier, si grand. Pourtant Agnès aurait pu leur dire que cette belle tête lui semblait plus noble que celle des autres mortels, que son âme lisait des poèmes sur ce front puissant, que la couleur azurée de ses yeux rêveurs prenait une telle profondeur sous l'ombrage de leurs longs cils qu'on se demandait si, au lieu de bleu, il n'était pas noir. Elle aurait pu leur dire tout cela, et de plus, elle aurait pu compter non seulement combien de fois elle l'avait vu, mais combien de fois ses yeux s'étaient fixés sur elle, combien de fois il lui avait adressé la parole, combien de fois le froncement de ses sourcils avait glacé à la vue du mécontentement qu'elle avait surpris sur sa physionomie. Oui, qu'on lui devinait ou non, c'était pourtant ainsi. Et Frédéric Stephenson, avec toutes ses richesses, avec tous ses agréments personnels, même avec son cœur excellent, n'avait aucune chance d'être accepté par Agnès. pas plus que le valet de ferme le plus inférieur qui laboure avec la charrue le terrain de la plus orgueilleuse des ladies n'en aurait eu en lui demandant sa main. Pendant ce temps-là, notre véritable héroïne, la veuve Barnaby, pensait peu à Agnès ou à n'importe quelle autre femme, si ce n'est à elle-même, et moins encore à M. Stephenson ou à n'importe quel autre homme, si ce n'est au major. L'événement de la route de Bristol, quoiqu'il eût abîmé sa toilette, quoiqu'il eût été assez poussiéreux et fort désagréable même dans le moment, avait considérablement renforcé la tendre intimité qui s'était établie entre elle et son major. Toutefois, Mrs. Barnaby n'était pas une de ces femmes qui ne voient pas plus loin que leur nez, et quoiqu'elle s'accordât en toute liberté le plaisir de se faire faire la cour, elle décida qu'elle devait s'assurer des rentes du major avant de lui livrer sa main et sa fortune, car malgré toutes ses dispositions à la coquetterie, la richesse et l'élégance avaient toujours passé avant le tendre dans son cœur, et la plus prudente des douairières n'était pas plus fermement déterminée à faire, en se remariant, une bonne affaire que ne l'était notre volage, notre coquette veuve Barnaby. Elle savait parfaitement qu'elle rencontrerait beaucoup de difficultés pour se procurer ces informations. D'abord, elle ne connaissait à Clifton personne autre que les Peters, ennemis déclarés du major, et elle aimait trop la justice et le major pour faire dépendre le bonheur de ce dernier, car il était avéré maintenant que ce bonheur dépendait d'elle, d'un témoignage aussi suspect. Ensuite, ceci demandait de grandes précautions. Il ne fallait pas que les questions qu'elle voulait faire puissent revenir aux oreilles de son adorateur si cette tendre affaire se terminait par un mariage. Quant aux arrangements à prendre, elle avait déjà décidé ce qu'elle proposerait. Elle céderait à son mari la direction de sa fortune tout entière, pourvu qu'il lui assurât en retour un pauvre millier de livres sterling de rente. Quelques jours s'étaient écoulés depuis celui où le major avait fait sa demande. Mrs. Barnaby ne l'avait accepté que conditionnellement, voulant par une prolongation de quelques semaines confirmer leur affection, et espérant aussi que pendant ce temps elle arriverait à satisfaire, d'une manière ou d'une autre, l'anxieuse curiosité qu'elle éprouvait au sujet de l'état actuel de la fortune du major. Or donc, après s'être mis l'esprit à la torture, et au moment où elle désespérait presque de trouver à qui se fier pour une mission si délicate, l'idée lui vint que Betty Jacks pourrait se lier avec le groom du major Allan et apprendre de lui le chiffre généralement connu du revenu de son maître. Cette fille, depuis qu'elle avait quitté Silverton, avait si bien mis à profit les manières du monde dans lequel on l'avait lancée, qu'elle avait acquis une grande finesse d'intelligence, sans pour cela avoir négligé de croître, de telle façon qu'elle était devenue aussi belle femme que sa maîtresse. Cette idée avait vivement frappé Mrs. Barnaby avant qu'elle eût pris son parti de la mettre à exécution. Puis, tout d'un coup, se décidant, elle tira la sonnette. Au bout du temps voulu pour grimper de la cuisine au salon, Betty était devant elle. « Venez ici, John Ingham, et fermez la porte, » dit Mrs. Barnaby, « j'ai à vous parler. » Betty, prévoyant quelques semences, prit son air maussade. « Je suis très satisfaite de vous, John Ingham, » reprit la dame, « et je vous ai fait monter principalement pour vous dire que vous pouvez prendre le bonnet à ruban rose que j'ai quitté hier matin. »« Merci, madame, » dit Betty, se retournant pour s'en aller. « Attendez un moment, John Ingham. » « J'ai quelque chose à vous dire. » Betty s'avança et vint appuyer sa longue personne sur le dos de la chaise de sa maîtresse, habitude que les confidences fréquentes et interminables de Mrs. Barnaby avaient provoquée. « Dites-moi, je vous prie, John Ingham, connaissez-vous le groom du major Allan ?» dit Mrs. Barnaby de sa voix la plus douce. « Dame, non, madame. Comment aurais-je fait pour connaître ce garçon ? Eh bien, mais ma bonne fille, il y aurait comme à cela. » J'ai remarqué que c'était un domestique particulièrement bien tenu et qui avait l'air très soigné, et il me semble qu'il serait fort naturel qu'une fille qui a bon air comme vous fît la connaissance du domestique d'un gentleman tel que le major Allan. Cela vous ferait un compagnon, un protecteur dans vos promenades du dimanche soir, et en vérité, quand on pense au degré d'intimité auquel en sont arrivés les deux maîtres, on se demande s'il ne vous trouve pas indigne de lui. Oh, quant à cela, madame, je crois que le jeune homme ne demanderait pas mieux que de venir avec moi. Je ne veux pas dire que nous ne nous soyons jamais parlé. Fort bien, John Ingham, c'était tout ce que je voulais savoir. Du moment que vous le connaissez suffisamment pour lui parler, vous êtes une fille assez habile pour trouver moyen de faire plus ample connaissance. Écoutez, je voudrais qu'un de ces beaux soirs, après que vous m'aurez donné le thé, vous vous en alliez faire un tour de promenade avec lui, et quand vous aurez causé d'une chose ou d'une autre, vous amènerez adroitement la conversation sur son maître, sur sa position. Vous tâcherez de savoir s'il passe pour être riche. Voilà ce que je voudrais. Avez-vous compris, John Ingham ? À cette question, les yeux noirs de Betty Jacks brillèrent d'un éclat fort intelligent, et elle répondit avec une vivacité très satisfaisante « Oui, madame, j'ai compris. »« Très bien. Alors occupez-vous-en aussitôt que vous le pourrez. Et souvenez-vous, John Ingham, s'il vous questionne sur moi, de lui faire entendre que ma fortune est infiniment plus belle qu'elle n'en a l'air. Ce qui n'est que la vérité, vous savez. Je ne voyage en ce moment absolument que parce que j'ai besoin de changement. Si vous faites tout ceci avec intelligence, je vous donnerai ma petite ombrelle. En y faisant un point ou deux, elle sera comme neuve. Merci, madame. Si vous le désirez, il m'est facile de l'atteindre, en une minute, à la taverne. Bon, allez-y, ma bonne fille. Vous pourrez lui dire que vous serez libre ce soir. » L'arrangement ne souffrit pas grande difficulté, probablement, car le matin suivant, Betty était prête à faire son rapport. Et dès qu'Agnès eut quitté le salon après le déjeuner, Betty Jacks parut, portant sur sa figure ce sourire important et affecté, particulier à la soubrette qui sait que ce qu'elle a à dire vaut la peine d'être écoutée. Son anxieuse maîtresse vit à l'instant que sa commission n'avait pas été faite en vain. « Eh bien, John Ingham, » s'écria-t-elle en poussant un soupir si bruyant qu'on aurait plutôt dit quelqu'un qui étouffe que quelqu'un qui respire. « Quelle nouvelle m'apportez-vous ? » ?»« Tout ce qu'il y a de meilleur et de plus honorable pour le major, madame. » William dit qu'il est noble de toutes les façons, qu'il possède une masse d'argent et une masse d'esprit et dépense le tout à la fois, et qu'elle sera bien heureuse, la femme qui aura l'honneur de l'épouser. « Cela suffit, John Ingham, » dit l'heureuse Mrs. Barnaby. « Vous vous en êtes tiré avec beaucoup d'habileté, et puisque je puis avoir confiance en votre bon sens, je vous permets d'aller au théâtre de Bristol ce soir. Je vous donnerai un billet de galerie, et chaque fois que le domestique du major voudra vous y accompagner, je lui donnerai aussi un billet à lui. Je vous prie de le lui dire. » Précisément à deux jours de là, Mrs. Barnaby, cédant à la requête du major, goûtait avec lui l'air délicieux du matin dans une promenade au Mail. Ils avaient déjà parcouru par deux fois la longueur de cette voie pavée, se livrant à ces doux entretiens que leur mutuel attachement, maintenant avoué, rendait fort naturel, et allaient recommencer un troisième tour lorsqu'un gentleman, un peu plus jeune que le major, habillé dans son genre orné des mêmes favoris, poussant un cri de joie, courut au major et lui saisit la main, qu'il ne se contenta point de secouer affectueusement, mais qu'il pressa sur son cœur avec toutes les apparences de la plus touchante amitié. « Mon bon Maintry !» s'écria le major. « Ah, voilà un plaisir que je n'attendais guère. Depuis quand êtes-vous en Angleterre? Et qui peut vous amener ici ?» Puis, tout à coup, reprenant possession de lui-même, il se répandit en excuses vis-à-vis de Mrs. Barnaby pour l'avoir forcé à s'arrêter ainsi. « Mais je sais, ajouta-t-il, que votre cœur généreux me pardonnera en faveur de la chaleur même de mes sentiments, quand vous saurez que le capitaine Maintry est le plus ancien et le plus cher ami que j'ai au monde. Nous avons combattu côte à côte, Mrs. Barnaby, sur plus d'un champ de bataille rudement disputé. Nous nous sommes toujours traités en frères. Il a fallu nous séparer, malheureusement, il y a 2 ans. Il avait hérité d'un important domaine en Westphalie. Les fermages, tous les privilèges dus au seigneur, le réclamaient. Il lui fallut s'éloigner. Vous me pardonnez, n'est-ce pas, ma Martha bien-aimée? Maintry, que puis-je te cacher à toi? Ne m'as-tu pas dit 1000 fois que jamais je ne consentirais à aliéner ma liberté pour une mortelle? Eh bien, regarde, et dis si l'on peut s'étonner que je renonce à cette indépendance dont j'étais si jaloux. » Rien de plus aimable que ce que répliqua Mrs. Barnaby, rien de plus gracieux que la réponse flatteuse qui fit le capitaine Maintry, et un instant après, le trio marchait ensemble, comme si le plus tendre des liens les unissait depuis longtemps. Ce fut alors, entre les deux gentlemen, un assaut de questions et de réponses sur des amis communs appartenant tous au rang le plus élevé de la société. Puis vint le tour des fermiers du major dans sa terre du Yorkshire. Les questions du capitaine, les réponses du major, donnèrent à Mrs. Barnaby une haute idée de l'honnêteté de ces braves gens. Quand tout cela eut duré un bon moment, le capitaine s'arrêta tout à coup en disant à son ami « En vérité, mon cher Allan, le plaisir de vous revoir, l'honneur inattendu d'être présenté à madame, m'ont, je crois, tourné la cervelle. J'aurais dû vous dire avant tout que je vous apporte des lettres du prince Hurstenberg. Il faut y répondre tout de suite. Il vous demande de lui mettre de côté, parmi vos élèves, une jument de chasse et une couple de chiens d'arrêt, pour lesquels votre principale propriété est si renommée. Vous savez, il n'aime pas attendre. Je lui ai juré que vous répondriez par le premier courrier. « Venez donc, cher ami, arrachez-vous aux attraits de cette femme charmante. »« Non, certainement pas, avant d'avoir amené Mrs. Barnaby chez elle, » répliqua gravement le major. « Vous allez manquer l'heure du courrier. Voyons, ne sommes-nous pas comme deux frères ? Vous venez de le dire, Mrs. Barnaby, confiez-la moi, je l'escorterai jusque chez elle. Allez, allez, mon ami, j'ai laissé le paquet à votre filleul William. Ah, Mrs. Barnaby, quel trésor qu'un honnête serviteur. Allons, Alan, partez, je vous rejoins dans un instant. C'est bien cordialement que je félicite mon ami, madame, dit le capitaine, aussitôt que le major eut pris congé. Vous voir et ne pas apprécier son bonheur est chose impossible. L'amitié peut faire taire l'envie, mais elle ne saurait nous rendre aveugles. Mais, madame, permettez-moi aussi de vous féliciter. Vous êtes heureuse entre toutes, en vérité. Tant de valeur, tant d'honneur se trouvent rarement, trop rarement, réunis chez un homme. Et quelle modestie dans toute sa conduite. Qui pourrait jamais croire qu'il est possesseur d'un des plus beaux domaines du Yorkshire? Et pourtant, c'est un fait. Eh bien, Mrs. Barnaby, cet homme si noble, si grand, n'a pas pu éviter d'avoir des ennemis. Vous ne pouvez vous faire une idée des mensonges qu'on a fait circuler sur lui. « Je le sais, capitaine Maintree. Je ne le sais que trop, » répliqua Mrs. Barnaby. « Une personne qui serait capable de subir l'influence de pareils propos ne serait pas digne de devenir sa femme. »« Voilà comme doit parler un cœur digne de lui, » s'écria le capitaine avec emphase. Cette conversation, enrichie de quelques aimables sentiments de la part de chacune des parties, les amena à la porte de la veuve. Là, le capitaine résista à l'invitation d'entrer, prétextant le désir qu'il ressentait de consacrer tous ses moments à son ami, car il devait malheureusement retourner à Bath pour une affaire de la plus haute importance et dans le plus bref délai. Après ceci, on ne s'étonnera pas que les efforts de l'aimable et douce Élisabeth elle-même aient été complètement vains lorsqu'elle s'aventura à dire que le major n'était plus reçu nulle part. Mrs. Barnaby savait tout ce qu'on pouvait savoir à ce sujet et de la meilleure source. Aussi prit-elle tranquillement le parti de quitter Clifton pour aller le plus vite possible à Cheltenham, afin que son second mariage, qui allait s'effectuer précisément 7 mois après la mort de son premier mari, n'eût pas lieu sous les yeux des plus proches parents de M. Barnaby.